que les hommes sont imbus de leur personne, qu'ils travestissent leurs âmes pour un verre de rhum, pour un verre de rhum. Tu me dis que les femmes